me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle relation entre le droit et l'économie? Comment l'ultralibéralisme et le communisme ont-ils scellé leurs noces? Les postmodernes ont-ils eu une vision réductrice du droit? Comment la doctrine « Law of Economics » théorise-t-elle la soumission de la loi au calcul économique, comme jadis la planification soviétique a pu instrumentaliser le droit ? Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités », après l'hybridation du droit et de la quantification, va nous présenter aujourd'hui celle du communisme et de l'ultralibéralisme dans le cadre de sa série de cours consacrée au passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. Pour ce spécialiste du droit du travail, la planification soviétique représente justement une première expérience de gouverner par les nombres. Dans sa présentation pour le Collège de France, Alain Supiot explique que l'édification du communisme a représenté la première tentative de bâtir un univers social à deux dimensions, celui du plan et de la planification, dans lequel le droit n'est plus qu'un instrument de mise en œuvre d'un calcul d'utilité collective. Dans une interview donnée au magazine L'Usine Nouvelle, le juriste qui analyse les convergences de la contre-révolution ultralibérale et de l'économie communiste de marché explique que Lénine est un précurseur dans sa façon de vouloir étendre à la société tout entière le modèle de l'entreprise selon le credo aujourd'hui rabâché par les prédicateurs de l'ultralibéralisme et du New Public Management qui pensent qu'un État doit être géré selon les mêmes méthodes scientifiques qu'une entreprise. Alain Supiot poursuit, et je le cite, « Comme l'a montré Bruno Trentin dans son grand livre sur la cité du travail, il y a eu un accord profond du capitalisme et du communisme pour placer le travail sous l'égide de la technoscience et l'évincer ainsi du périmètre de la délibération politique et de la justice sociale. Cette hybridation de ces deux types de régimes, qui ont donné lieu, selon Alain Supiot, à l'émergence de l'ultralibéralisme et à l'utopie contemporaine d'un marché total. » Il s'agit aussi d'examiner le rôle de la doctrine « Law of Economics », doctrine qui est encore au cœur de l'analyse du droit aujourd'hui. Alain Supiot met en valeur aussi une différence essentielle avec la période qui précède la chute d'une URSS déconnectée du réel et avant que la globalisation bouleverse nos sociétés. Notre juriste note que le libéralisme classique demeurait conscient du fait que la libre poursuite par chacun de son intérêt individuel ne pouvait engendrer la prospérité générale que dans le cadre d'un droit qui bride la cupidité. L'ultralibéralisme, au contraire, prend pour défait de nature les fictions juridiques qui fondent le marché et en vient à considérer le droit lui-même comme un produit en compétition sur un marché des normes. Le droit est asservi au calcul, tandis que l'État est très critiqué. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 28 mars 2013, l'asservissement de la loi au nombre, du Gosplan au marché total. Bien, nous étions quittés la dernière fois en évoquant le Gosplan, la planification, et j'avais rapidement retracé le processus d'élaboration du plan, fait d'une descente à partir de chiffres généraux définis centralement, qui sont déclinés ensuite dans un processus à la fois régional et par branche d'activité jusqu'aux entreprises, et à partir des observations faites à ces différents niveaux, il y a une remontée jusqu'à la définition finale du plan. Si l'on regarde le fonctionnement de la planification soviétique d'un point de vue juridique, il se décline en un nombre très important de plans qui régissent la production de biens et de services à chacun de ces niveaux, pour chaque entreprise. Et quand on dit entreprise, ça vaut aussi pour ce que nous appellerions service public. Il n'y avait pas de distinction à faire de ce point de vue. Et chacun de ces plans peut être analysé juridiquement comme un acte administratif unilatéral qui s'imposait aux opérateurs, qu'il s'agisse d'opérateurs économiques, pour employer notre terminologie, ou d'opérateurs de services publics, qui étaient tous des opérateurs publics. Dans un tel système, les contrats sont de simples instruments de mise en œuvre des objectifs chiffrés fixés par ces plans. Et la doctrine juridique soviétique distinguait deux types de contrats selon que leur conclusion était ou non imposée à ces opérateurs. Donc le premier type, c'était celui de contrat dit planifié, dont la conclusion était prescrite par le plan. Par exemple, le plan allait prescrire à l'entreprise A de se fournir auprès de l'entreprise B. Et dans ce cas, le contrat servait seulement à préciser le détail d'obligations qui ne pouvait pas être fixé par le plan lui-même. Et il avait aussi valeur d'engagement juridique, c'est-à-dire d'adhésion volontaire à la réalisation du plan. Et les contrats du second type, dits contrats non planifiés, ne reposaient pas sur une obligation juridique de contracter, mais sur la nécessité ou l'opportunité économique de le faire pour parvenir à réaliser les objectifs du plan. Par exemple, une entreprise A va prendre l'initiative de contacter une entreprise B ou C pour obtenir les matières premières dont elle a besoin pour réaliser ses objectifs. Donc cette liberté contractuelle était toutefois très encadrée, puisque les obligations souscrites par les parties devaient relever des missions qui leur étaient imparties par les plans. Alors, il faut souligner au passage combien ces contrats préfigurent ceux qui ont été développés depuis 20 ans dans les pays occidentaux sous le nom de contractualisation de l'action publique ou des services publics, où là aussi les contrats servent à décliner des objectifs généraux qui sont fixés centralement et valent adhésion, engagement à un certain nombre de règles. La nature proprement contractuelle de certains de ces actes a d'ailleurs pu être discutée par le Conseil d'État. Je pense les contrats de direction de thèse, je crois me souvenir que le Conseil d'État a dit qu'arriver à ce niveau, c'était une métaphore de contrat plutôt que d'un contrat. Mais la structure logique est d'un même ordre, objectif défini centralement, puis ensuite cascade de contrats, mais qui sont les instruments de mise en œuvre d'une directive publique. Alors, voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur la planification soviétique. Et pour la rapprocher de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce qu'était la manière de penser l'articulation de la loi et du contrat dans le libéralisme. Alors, si on prend ce qu'on peut appeler le libéralisme classique ou à l'ancienne, évidemment, ce libéralisme classique n'envisageait pas le droit et l'État comme des instruments, mais au contraire comme une condition de l'harmonie par le calcul. C'est parce que ce qui est incalculable, l'identité des personnes, la préoccupation du long terme, est pris en charge par la loi, qu'il est possible d'avoir une sphère contractuelle qui est une sphère du calcul. Et selon les pères de la pensée libérale, c'est parce que l'état de droit est garant de l'identité et de la liberté des personnes, du respect de leur propriété et de la force obligatoire de leur convention, que les individus peuvent se livrer à la maximisation de leurs utilités individuelles. Et même un esprit aussi provocateur que Mandeville, dont nous avons déjà cité la fable des abeilles, ne perdait pas de vue cette place nécessaire de l'État pour assurer la conversion des vices privés en prospérité publique. Il notait lui-même, à la fin de la fable des abeilles, « Ainsi le vice s'avère avantageux lorsque la justice l'émonde, en ôte l'excès et le lie. » Donc, les vertus du vice, si je puis ainsi m'exprimer, supposent un encadrement par le droit. Autrement dit, pour le dire dans des termes modernes, le marché n'est pas alors un ordre spontané, mais envisagé comme une construction institutionnelle qui ne peut se maintenir que sous l'égide d'un garant des pactes. Autrement dit, il s'inscrit dans un univers à trois dimensions. Et de la nécessité de ces trois dimensions, on va y revenir après, parce qu'on peut caractériser l'ultralibéralisme au contraire comme un univers à deux dimensions. De la nécessité de ces trois dimensions, je vais vous donner trois exemples. Premièrement, le contrat. Que serait un contrat réduit à un lien bilatéral entre primus et secundus, entre Pierre et Jean? Ce serait la pure expression du rapport de force existant entre eux. Si vous enfermez un fort et un faible dans une pièce et vous dites ce qui va sortir de leur discussion, c'est la loi, ça veut dire que la loi, c'est la loi du plus fort. Pour qu'un contrat survienne, il faut au minimum que ces deux contractants, primus et secundus, soient liés par une règle hétéronome, cette règle qui s'impose également à eux et dont ils ne peuvent disposer, c'est la force de la parole donnée. Pour qu'il y ait un contrat possible, il faut que chacun de ceux qui s'engagent croit à la force de sa parole et à une force qui s'impose à lui. Autrement dit, il n'est pas de contrat sans loi. Cela ne nous dit rien de la nature de cette loi, qui peut aussi bien procéder de la religion que de la coutume ou d'un code civil, mais qui, dans tous les cas, met en scène la figure d'un garant de la parole donnée, qu'il s'agisse des dieux, de la communauté ou de l'État, et garant qui ne se situe pas sur le même plan que les individus qui contractent. Deuxième question, que serait un droit de propriété réduit à la relation bilatérale d'un homme et d'une chose? Vous pouvez dire, je suis propriétaire de ma cravate, ça personne ne pourra le discuter. Soit, mais c'est un simple fait, le fait de détenir cette chose au risque d'en être dépossédé par le premier venu, pour peu qu'il soit armé ou plus costaud. Il paraît que ce sont des choses qui arrivent même dans le RER. Alors, nous l'oublions si nous avons la chance de vivre dans un pays ou dans un quartier où l'on peut circuler sans crainte de se faire détrousser à chaque coin de rue. Mais il suffit de se rendre justement dans certains quartiers, de certaines villes, pour que cette fiction d'un rapport exclusif de l'homme et de la chose se déchire et que, quittant l'état de droit, nous retrouvions face à l'état de nature, dans cet état où chacun doit s'armer ou se barricader pour avoir une chance de ne pas être tué ou dépouillé de ses biens. Rappelez-vous le premium des instituts que j'ai déjà cité. Il faut être armé des lois si l'on veut que les armes demeurent des objets décoratifs ou soient remplacées par les arts et les belles lettres. Troisième exemple, après le contrat ou le droit de propriété, l'identité, l'état civil. Que serions-nous, enfin nous-mêmes, si notre identité n'était pas garantie par un système de droit qui nous confère une personnalité juridique s'imposant à tous, y compris à nous-mêmes? Il a fallu la réduction de masses humaines entières à l'état de bêtes de somme, numérotées avant d'être conduites à l'abattoir, pour que le droit à la personnalité juridique trouve place parmi les droits de l'homme, très exactement à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Cette disposition exprime, elle aussi, une construction ternaire. Pour être reconnu par autrui, mon identité doit être garantie par un tiers dont l'autorité s'impose à tous. Là encore, ce sont dans les situations limites que cela nous apparaît. Si vous avez perdu votre passeport en pays étranger, vous aurez le réflexe de faire appel à l'ambassade de votre pays, c'est-à-dire à l'État garant de votre identité, pour voir celle-ci reconnue par les autorités étrangères et recouvrer avec votre personnalité votre liberté d'aller et de venir. Il n'est pas besoin d'être juriste pour avoir ce réflexe, car les institutions ne sont pas des choses qui nous seraient extérieures. Comme le notait déjà Durkheim, en même temps que les institutions s'imposent à nous, nous y tenons. Elles nous obligent et nous les aimons. Elles nous contraignent et nous trouvons notre compte à ce fonctionnement et à cette contrainte même. Les institutions ne sont pas des objets extérieurs aux individus. Les individus sont institués et les institutions sont aussi en nous. Alors, une différence capitale distinguait ainsi le libéralisme économique classique et le communisme du point de vue juridique. Tandis que le premier faisait reposer l'harmonie économique sur le règne de la loi, le second ne voyait dans les lois que des instruments de mise en œuvre d'une harmonie fondée sur le calcul économique. C'est l'effacement progressif de ces différences et l'hybridation de ces deux types de régimes qui a donné lieu à l'émergence de l'ultralibéralisme et à l'utopie contemporaine d'un marché total. Le libéralisme classique demeurait conscient du fait que la libre poursuite par chacun de son intérêt individuel ne pouvait engendrer la prospérité générale que dans le cadre d'un droit qui bride la cupidité. L'ultralibéralisme, au contraire, prend pour des faits de nature les fictions juridiques qui fondent le marché et en vient à considérer le droit lui-même comme un produit en compétition sur un marché des normes. Alors, prenant pour donné ce qui est construit, cette utopie procède de l'oubli de ces fictions juridiques sur lesquelles repose l'économie de marché. L'identité est alors réduite au solipsisme d'un individu capable de se définir lui-même. La propriété avec la toute-puissance du sujet sur des objets et le contrat à une opération de communication binaire conçu sur un mode cybernétique entre deux sujets. Un tel univers est peuplé de particules contractantes, calculant en temps réel leur intérêt individuel et échangeant entre elles, en fonction de ce calcul, les objets dont elles ont la maîtrise. La réalisation la plus approchée d'un tel univers est une salle de marché financier et sa réalisation parfaite, ce qu'on appelle le « high-speed trading », c'est-à-dire le trading haute fréquence, où le soin du calcul est confié à des ordinateurs. Et vous savez que la Commission européenne elle-même, c'est dire, s'inquiète du fait que l'évolution des cours est maintenant largement déterminée par des machines et non plus par des êtres humains, qui essaient de calculer des marges de profit à la microseconde. Alors, comme il arrive souvent, l'imaginaire précédant l'action des hommes, c'est une œuvre romanesque qui, dès la fin du XIXe siècle, a pour la première fois mis en scène ce monde plat, débarrassé de la figure verticale du tiers, garant des relations entre les hommes. Et comme de juste, cette œuvre est celle d'un mathématicien, Erwin Abbott, auteur d'un conte philosophique appelé Flatland. Flatland se présente donc comme un conte philosophique qui a été publié en 1884 et qui est un peu de la même veine que Alice au pays des merveilles, publié 20 ans plus tôt par un autre professeur de mathématiques, Lewis Carroll. Comme son nom l'indique, Flatland est un monde réduit à deux dimensions, car Flatland est peuplé d'une sorte de société de caste Donc, c'est un monde horizontal. Il faut essayer de vous représenter que vous êtes des plans, réduits à l'état de plans. Et ce monde est peuplé d'un certain nombre de figures géométriques. Et c'est une société de castes parce que plus vous êtes élevé, plus vous approchez de la sphère. Vous êtes un polygone de très nombreux et vous êtes presque une sphère. Et la caste inférieure, au contraire, c'est les triangles. La caste intermédiaire des carrés, square, c'est les cadres, carrés. Et voués à servir tous les autres, les hors-castes sont les figures géométriques irrégulières. Quant aux femmes, ce sont des triangles si aigus qu'elles ressemblent à des épingles, particulièrement dangereuses à approcher. Donc, elles sont particulièrement dangereuses, surtout pour les brahmanes qui ont un air de sphère. Donc, vous voyez pourquoi. Donc, il faut s'imaginer un être conscient à deux dimensions pour comprendre la difficulté des rapports sociaux dans Flatland. Puisque, par définition, il n'y a pas de face-à-face possible entre des figures planes, situées sur un même plan, la moindre rencontre d'un de ses congénères est une épreuve particulièrement compliquée et périlleuse. La reconnaissance mutuelle est une affaire de calcul, chacun identifiant la caste de l'autre en prenant la mesure de ses angles. Alors, on ne va pas avoir le temps de tout lire, mais je commente rapidement. Vous êtes un œil d'un être plat et vous avez en face de vous un triangle. Un triangle, c'est plutôt, j'ai dit, ceux qui sont du bas de l'échelle. Dans l'autre cas, vous avez un polygone plus élevé et plus proche d'une sorte de brahman. Donc un œil exercé, surtout celui des hors-castes, peut immédiatement savoir à qui il a affaire. Mais, dit Abbott, les gens plus simples n'ont qu'un mesure, c'est non pas de se renifler, mais permettez que je mesure vos angles pour savoir à qui j'ai affaire. C'est un univers un petit peu oppressant. Alors, la reconnaissance mutuelle, donc, une fois faite, je précise, je vous l'ai dit que le héros est un carré, et ce carré, ce qui lui arrive, c'est qu'un jour, il y a une sphère qui fait éruption chez lui et qui va lui révéler l'existence d'une troisième dimension. Il voudra en répandre la nouvelle, mais en sera empêché par les brahmanes et il finira sa vie au cachot. Alors, c'est la sociologue italienne Otta de Leonardis qui a exhumé il y a quelques années ce roman oublié et en a montré toute l'actualité et la force prophétique. Dans l'image qu'on avait donnée à Bott, Flatland est un monde sans verticalité, c'est-à-dire sans hétéronomie. C'est aussi un monde sans horizon, parce qu'évidemment, dans un monde plat, il n'y a pas d'horizon, et donc sans limite perceptible. En effet, le mot « horizon » vient du grec, du verbe « horizein », qui veut dire « tracer la limite ». C'est la perception d'une limite, et l'horizon est cette ligne qui, dans un univers à trois dimensions, tout à la fois limite le champ visuel et marque l'existence d'un au-delà. Et contrairement à l'espace cartésien et aux représentations de la physique classique, l'univers décrit par Einstein n'est pas un univers sans limite. Il a un bord, dit Einstein, donc un horizon. Ce qui conduit le grand géographe Augustin Berque à noter ceci, l'horizon de l'univers n'est pas celui de nos paysages, mais on peut dire au moins qu'il est celui de notre raison. Nous n'avons pas moyen de voir ni de penser rationnellement au-delà. En particulier, c'est l'horizon de notre science, laquelle est radicalement incapable, en tant que physique mathématique, d'objectiver complètement l'univers, puisqu'il s'agit d'un étant singulier, à la fois unité et totalité, qui ne peut être mis en relation avec rien d'autre que lui-même. Traumgestalten in fühle dich, dass ich die Stätte finde, wo oft mein Mädchen saß. Und oft im Wind des Buchbaums und der Linde der goldenen Stadt vergaß. Enthülle dich, dass ich des Strauß mich freue, der Kühlung ihr gerauscht. Und einen Kranz auf ihre lange streue, wo sie Le Collège de France et France Culture vous présente Alain Supiot le 28 mars 2013, l'asservissement de la loi au nombre, du Gosplan au marché total. Alors, il est remarquable que cette métaphore d'un monde plat, et donc sans horizon, ait ressurgi au tournant des années 2000, mais cette fois dans la perspective non critique, sous la plume d'ardents défenseurs du rêve d'une grande société ouverte livrée aux forces autorégulatrices d'un marché global. Voyez notamment, en ce sens, le best-seller de l'économiste et journaliste Thomas Friedman, publié en 2005 sous le titre « The World is Flat », A Brief History of the 21st Century. Ça a été traduit en français, ça. Friedman, on le trouvait dans tous les kiosques d'aéroports dans les années 2000. Il se réjouit, dans ce livre, de ce que la globalisation fasse advenir un monde plat où tous les opérateurs ont des chances égales dans une compétition qui n'est plus entravée par aucune espèce de règle hétéronome. Donc, j'ai usé de cette métaphore de Flatland pour vous montrer où est la rupture entre libéralisme et ultralibéralisme. Et ce passage du libéralisme à l'ultralibéralisme a bien sûr été précipité par l'implosion du communisme réel. Dans les pays occidentaux, cette implosion a fait disparaître la pression sociale qui faisait peser sur les dirigeants la rivalité avec les pays de l'Est. Et ce changement est particulièrement visible au sein de l'Organisation internationale du travail, où, hormis le secteur du transport maritime, le nombre de nouvelles conventions internationales adoptées a chuté considérablement à partir du milieu des années 90. On peut dire que la conception de nouvelles normes, l'imposition de nouvelles normes internationales a quasiment cessé à cette époque. Alors, a priori, mais c'est un thème sur lequel je vais devoir revenir à plusieurs reprises, c'est-à-dire ce qui est les cousinages qui existait entre l'univers communiste, son mode de représentation normative, et l'ultralibéralisme. Pour comprendre la face sociologique de ces rapprochements, de cette hybridation a priori étrange, je vous invite à lire cette remarque que fait l'historien et philosophe Tsvetan Todorov, dont vous devez connaître le nom, qui a publié il y a peu sous le titre « Le siècle des totalitarismes » un recueil de plusieurs de ses ouvrages sur l'expérience totalitaire. Et il fait l'observation suivante. « Dans la société propre aux pays d'Europe de l'Est, l'adhésion à l'idéologie communiste joue de plus en plus le rôle d'un simple rituel. Tous s'en réclament, personne ou presque n'y croit. En revanche, la soumission inconditionnelle au chef est indispensable. Le communiste moyen est nullement un fanatique. C'est un carriériste cynique qui fait ce qu'il faut pour accéder à une position privilégiée et s'assurer une vie de qualité supérieure. » Et là, il y a ce qui nous intéresse du point de vue juridique. « La Constitution et les lois sont tenues en piètre estime par les agents de sécurité comme par les autres personnages puissants du régime, pour qui la volonté individuelle peut toujours l'emporter sur la loi commune à tous. Ici, tout est arrangeable, négociable, monnayable. L'exception a pris la place de la règle. Eh bien, vous comprenez ici pourquoi le communiste comme réalité avait culturellement préparé ses habitants à voir dans la loi non pas le cadre intangible de l'ajustement mutuel des intérêts individuels, mais l'un des objets de cet ajustement. Le passage à l'ultralibéralisme a aussi été préparé par le foisonnement de théories qui, à compter des années 60, se sont conjuguées dans la dénonciation du droit et de l'État, et plus généralement de toute forme d'hétéronomie, comme autant de ruses du pouvoir et d'atteinte à la souveraineté des individus. Cette dénonciation est l'un des traits caractéristiques de ce qu'on a appelé la pensée postmoderne. Et elle se retrouve donc chez des auteurs dont les orientations, les disciplines ou les centres d'intérêt ont pu être par ailleurs très différents. Je vais vous donner ici trois exemples parmi des auteurs iconiques de la pensée française de la deuxième moitié du XXe siècle. En commençant par Michel Foucault, voyons comment il aborde la question du droit dans son cours intitulé « Il faut défendre la société ». Voilà ce qu'écrit Foucault. « Le discours et la technique du droit ont eu essentiellement pour fonction de dissoudre à l'intérieur du pouvoir le fait de la domination pour faire apparaître à la place de cette domination que l'on voulait réduire ou masquer deux choses, d'une part les droits légitimes de la souveraineté et d'autre part l'obligation légale de l'obéissance. » Vous voyez, l'idée c'est que c'est un masque, le droit. Ce qui existe, c'est un pouvoir qui veut obtenir l'obéissance des sujets. « Mon projet général, dit Foucault, était au fond d'inverser cette direction générale de l'analyse qui est celle du droit tout entier depuis le Moyen-Âge. » Donc vous avez ici une caractéristique. Ce qui vient d'être dit, le droit comme technique de pouvoir, ça serait le trait du droit tout entier depuis le Moyen-Âge. « J'ai essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de laisser voir comme un fait, aussi bien dans son secret que dans sa brutalité, la domination, et puis de montrer à partir de là, non seulement comment le droit est d'une manière générale l'instrument de cette domination, cela va de soi, mais aussi comment, jusqu'où et sous quelle forme le droit, et quand je dis le droit, je ne pense pas seulement à la loi, mais à l'ensemble des appareils, institutions, règlements qui appliquent le droit, véhicule et met en œuvre des rapports qui ne sont pas des rapports de souveraineté, mais des rapports de domination. Le système du droit, termine-t-il sur ce point, et le champ judiciaire sont le véhicule permanent des rapports de domination, de techniques d'assujettissement polymorphes. Le droit, il faut le voir, je crois, non du côté d'une légitimité à fixer, mais du côté des procédures d'assujettissement qu'il met en œuvre. Donc là, vous avez une réduction, si je puis dire, du droit à une pure technique de domination. Cette idée, eh bien, on la retrouve chez Pierre Bourdieu, selon lequel les controverses juridiques ou la division entre juristes universitaires et praticiens ne doivent pas masquer le fait qu'ils sont tous, je cite Bourdieu, objectivement complices d'une même entreprise de domination symbolique. Donc, écoutons Bourdieu. Alors, c'est un style, c'est du Bourdieu, donc c'est plus... C'est pas... Bon. L'antagonisme entre les détenteurs d'espèces différentes de capital juridique qui investissent des intérêts et des visions du monde très différentes dans leur travail spécifique d'interprétation n'exclut pas la complémentarité des fonctions et sert en fait de base à une forme subtile de division du travail de domination. Donc vous retrouvez cette idée que tout le travail des juristes est au service d'un travail de domination, domination symbolique, dans laquelle les adversaires objectivement complices se servent mutuellement. Donc, quoi que vous disiez comme juriste, vous êtes complice d'un système de domination. Le canon juridique est comme le réservoir d'autorité garantissant à la façon d'une banque centrale l'autorité des actes juridiques singuliers. Capital juridique, banque centrale, vous retrouvez ici le paradigme néo-marchand qui est à l'œuvre dans l'œuvre de Bourdieu, et donc qu'on pourrait rapprocher de ce que je dirai un petit peu plus tard sur Gary Becker. Alors, quand on lit ces textes, on est obligé de constater l'étonnant appauvrissement de la vision du droit véhiculée par ces éminents auteurs de la fin du XXe siècle, par comparaison avec la richesse et la subtilité des pages que les grands auteurs des générations antérieures, tels Durkheim, Mauss ou Gurwitch, ont pu consacrer au droit. En effet, que le droit puisse servir le pouvoir politique et être un instrument de domination, qui le conteste ? On peut difficilement voir dans cette analyse un progrès des connaissances. En revanche, réduire le droit à cette fonction, c'est très certainement une régression dans sa connaissance et le signe d'une incompréhension du rôle nodal qu'il a joué dans l'instauration d'un gouvernement par les lois. Le droit est certainement une technique de pouvoir, mais c'est une technique qui lie et limite le pouvoir, et c'est toute la difficulté de le bien penser. En réalité, cette réduction du droit au pouvoir ou à la domination, derrière cette réduction, c'est toute forme d'hétéronomie sociale qui est visée. Et il est significatif que les derniers écrits de Michel Foucault soient consacrés au gouvernement de l'individu par lui-même, à ce qu'il appelle, je cite, « la parfaite souveraineté de soi sur soi ». Fin de citation, émancipé non seulement de tout code juridique, mais aussi de tout code moral. Cette destitution de toute forme d'hétéronomie se retrouve chez les troisièmes séries d'auteurs que je vais citer après Foucault et Bourdieu, chez Deleuze et Guattari, qui à la même époque théorisaient dans le tome 2 de leur anti-Édipe intitulé « Mille plateaux », ce nouvel idéal normatif en train de naître. Cet idéal, c'est celui des réseaux et de l'ajustement mutuel, des identités flottantes et des frontières évanescentes. Leur apologie du rhizome, par opposition à l'arbre, ce sont les deux métaphores mises en regard dans « Mille plateaux », annonce déjà les formes juridiques contemporaines de l'organisation économique globalisée. Alors, changement de style avec Deleuze, nous avons là affaire à quelque chose de très impressionnant parce que c'est très brillant. C'est un peu plus compliqué à suivre que Bourdieu, mais on va y aller pas à pas. Qu'est-ce qu'un rhizome ? Résumons les caractères principaux d'un rhizome. Ça vient de la botanique. À la différence des arbres, oui, on a l'opposition à l'arbre. Souvenez-vous des arbres de Raymond Loul. Les arbres de la science, la verticalité, les racines, etc. Donc, à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes. Le rhizome ne se laisse ramener ni à l'un ni au multiple. Il n'est pas l'un qui devient deux, ni même qui deviendrait directement trois, quatre ou cinq, etc. Il n'est pas un multiple qui dérive de l'un, ni auquel l'un s'ajouterait, sur le mode n plus 1. Il n'est pas fait d'unité, mais de dimension, ou plutôt de direction mouvante. Il n'a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu par lequel il pousse et déborde. Il constitue des multiplicités linéaires à n dimensions, sans sujet ni objet étalable sur un plan de consistance, et dont l'un est toujours soustrait. Donc, pour ceux qui voient ce que c'est du point de vue botanique un rhizome, nous sommes là aussi dans le plan, avec des figures qui se développent par un système de points. Et donc un rhizome ne commence pas et n'aboutit pas, il n'y a pas de limite. Il est toujours au milieu, entre les choses, un interêtre, intermezzo, l'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement alliance. L'arbre impose le verbe « être », mais le rhizome a pour tissu la conjonction « et ». Il y a dans cette conjonction assez de force pour déraciner le verbe « être ». Fin de citation. Il faut retenir « déraciner le verbe « être », car c'est également quelque chose qui va nous aider à comprendre cet univers imaginaire qui porte l'ultralibéralisme. Nous avons bien affaire ici à un monde plat, étalé sur un plan, écrivent nos auteurs, monde sans limite, il n'a ni commencement ni fin, nous dit-on, sans identité stable, qu'elle soit individuelle, l'un ou collective le multiple, un univers où les liens se tissent de façon binaire, puisque le rhizome est alliance, et dont la seule loi est celle du mouvement. Il pousse et déborde, dit-on. La seule loi, c'est que ça doit changer tout le temps. Donc Deleuze et Guattari voyaient dans l'image du rhizome la forme la plus radicale de subversion de l'ordre établi, ordre symbolisé par la verticalité de l'arbre plongeant ses racines dans le sol. Mais l'analyse juridique du rhizome montre que cette image, qui pourrait servir d'ailleurs aussi bien à décrire des réseaux mafieux, est celle-là même du nouvel ordre globalisé, celle d'un ordre sans limite territoriale, dans lequel les réseaux économiques sont assez puissants pour déraciner le pouvoir des États, où les identités deviennent flottantes et où le contrat et les ajustements mutuels rendent toute loi inutile, hors la loi du changement perpétuel. Imaginer un tel monde n'a nullement été le monopole de ce que les universités américaines ont applaudi sous le nom de French Theory. C'est un imaginaire semblable, selon moi, qui avait donné le jour, quelques années plus tôt, au programme Law and Economics, développé par la School of Law de l'Université de Chicago, dont l'influence sur la fabrique du droit à l'échelle mondiale a été et demeure considérablement plus importante que celle des grands intellectuels français de la fin du dernier siècle. Alors, observation liminaire importante, bien que ce courant doctrinal, donc je passe maintenant à l'étude du courant Law and Economics, qui va nous retenir un petit moment, je dois dire, parce que c'est vraiment la doctrine qui est au cœur aujourd'hui de l'analyse du droit. C'est devenu le paradigme de l'analyse du droit, en tout cas dans l'université américaine, le paradigme dominant. Eh bien, bien que ce courant soit devenu le paradigme dominant dans le monde juridique occidental, il ne résume nullement ce que l'étude de l'économie peut apporter à la compréhension du droit. Donc là, je fais ici une précaution de méthode. L'analyse juridique qu'on peut essayer de faire, au fond, de la dimension idéologique, dirait-on, de l'analyse économique de droit, ne vaut pas fermeture de l'analyse juridique à des lumières venues de l'économie. Bien au contraire, nous avons beaucoup à apprendre de l'économie. Mais on pourrait dire que, de ce point de vue, le courant Law and Economics est l'un des rares courants de la pensée économique qui n'apporte pas grand-chose à la compréhension du droit parce que son objet n'est pas là. Il n'est pas de saisir le droit dans sa profondeur historique, culturelle, mais à en faire un instrument de mise en œuvre du calcul économique. Donc, il n'en va pas de même de toute la tradition d'économie politique qui s'est donnée au contraire pour tâche première de décrire et de comprendre les cadres institutionnels de la vie économique et non de soumettre ces cadres à un modèle de rationalité par le calcul. Donc, c'est pour ça que je tiens absolument à dire un mot de l'économie politique, de ce qu'il en reste, parce que c'est quelque chose dont les juristes ont plus besoin que jamais. Cette approche était déjà présente dans l'œuvre de Veblen. Vous avez dû entendre parler peut-être de Veblen et de son livre sur la théorie de la classe de loisirs. Et elle a été développée aux États-Unis par ce qu'on a appelé l'économie institutionnelle. Très vivace avant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment des auteurs comme John Commons, ce courant continue d'y avoir une certaine place, quoique très minoritaire. Et il a donné le jour à une école dite néo-institutionnaliste, dont le représentant le plus connu est Olivier Williamson. Alors, contrairement à la pensée marginaliste ou utilitariste aujourd'hui dominante, la théorie institutionnaliste en économie ne postule pas l'harmonie des intérêts privés, mais vise à éclairer les cadres et les ressorts de l'action collective. En France, cette approche a surtout été développée, alors là, le fait mérite d'être noté, par des auteurs venus du monde des ingénieurs. Il y a une tradition française d'économistes venus du monde des ingénieurs qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans les autres pays. Et quand on vient du monde des ingénieurs, on vient d'un monde ou le rapport à la matérialité des choses, comment ça fonctionne, comment on arrive à faire fonctionner quelque chose, vous prémunit un peu contre le risque de modélisation qui, comme un ballon dirigeable, se couperait totalement de l'observation des réalités économiques. Donc, nous avons en France, d'une part, l'école de la régulation, avec des auteurs tels Robert Boyer ou Alain Glietta, qui insistent sur les cadres institutionnels macroéconomiques, et d'autre part, ce qu'on a appelé l'économie des conventions, avec des auteurs comme Jean-Pierre Dupuis, François-Aymard Duvernay, Olivier Favreau, André Orléans, Robert Salet, qui s'est davantage intéressé aux modes de coordination mis en œuvre en situation d'incertitude par des agents dont on admet la rationalité limitée. Et au-delà de leur divergence, tous ces auteurs s'accordent à considérer, d'une part, que l'économie n'a pas d'existence indépendante des sociétés ou des institutions dont elle participe, et d'autre part, que sa compréhension doit partir de l'étude des comportements réels des agents économiques et se centrer sur le droit tel qu'il est. Des travaux de ce type sont très éclairants pour les juristes, car ils participent d'une mise en contexte des textes dont nous avons vu qu'elle était une condition de la fécondité de l'analyse juridique. Alors, ayant rendu hommage à tout ce versant de la pensée économique, je reviens à la doctrine Law and Economics, qui a donc pris son essor à partir de la fin des années 40 au sein de la Law School de l'Université de Chicago, sous l'égide d'Henri Simon et Friedrich Hayek. Cette doctrine a été développée en lien étroit avec les économistes de cette même université, au premier rang desquels Milton Friedman, et son but idéologique avoué était de combattre le keynésianisme et l'interventionnisme étatique et d'étudier les cadres juridiques et institutionnels les plus adaptés à un univers concurrentiel. Les analyses économiques conduites à partir de l'Université de Chicago ont ainsi été conçues d'entrée de jeu comme la base théorique d'un programme politique à l'échelle mondiale. Ce programme a été élaboré notamment au sein de la Société du Mont Pèlerin, fondée par Hayek en 1947 grâce à un financement du patronat suisse. Considéré comme le premier think tank libéral international, cette société réunit aujourd'hui encore économistes, hommes politiques et dirigeants d'entreprises de premier plan. Voilà comment elle se présente sur son site Internet. Ses membres, les membres de la Société du Mont Pèlerin, voient le danger de l'expansion du gouvernement, notamment de l'État social, du pouvoir des syndicats et des monopoles, ainsi que de la menace persistante et de la réalité de l'inflation. Sans s'accorder sur tout, elle voit dans la société un effort d'interprétation en termes modernes. La société, c'est la Société du Mont Pèlerin. Un effort d'interprétation en termes modernes des principes fondamentaux d'une société régie par l'économie. Alors notez la notion « société régie par l'économie », parce que là, les choses sont dites clairement. C'est plus une société régie par la loi, société régie par l'économie, telle qu'exprimée par les auteurs classiques, c'est des travaux d'économie anglaise, dont les travaux en économie, sciences politiques ou philosophie ont été une source d'inspiration en Europe, en Amérique et dans l'ensemble du monde occidental. Là aussi, c'est un point qui mérite d'être souligné. Alors, vous noterez le lien étroit ainsi établi entre, d'une part, un engagement politique clair, avoué, explicite, franc, et d'autre part, la croyance dans la scientificité de l'analyse économique. Cette croyance ayant été confortée par la création en 1967 du prix dit Nobel d'économie, je crois que vous avez déjà raconté que ce prix n'était pas imputable à Nobel, qui compte parmi ses lauréats de nombreux membres de la Société du Mont Pèlerin, tels que Milton Friedman, Ronald Coase ou Gary Becker. Ce qui montre le lien effectivement structurel qu'il y a eu entre ces formes de reconnaissance scientifique internationale voulues par le prix de la Banque de Suède et ce programme d'une société régie par l'économie. Il est important de le noter au passage. Alors, j'ai dit, ce que j'essaie de faire, c'est l'analyse juridique de ce type d'analyse économique. Et cette analyse révèle la fonction dogmatique du mouvement Law and Economics, qui ne diffère structurellement en rien de celle du socialisme scientifique. Vous allez dire que je provoque. C'est peut-être vrai, un petit peu. Mais il s'agit dans les deux cas de faire du droit un instrument de réalisation de lois scientifiques sous-jacentes, qui occupe la place de ce que Kelsen appelait une Grundnorm, une norme fondatrice à l'échelle de l'humanité. La différence est que la planification de type soviétique tablait sur un calcul d'utilité sociale centralisé pour gouverner les comportements des agents économiques, tandis que ici nous avons une programmation ultralibérale qui table sur les calculs d'utilité individuelle de ces agents pour aboutir à la plus grande utilité sociale. Un autre trait commun de la planification soviétique et de la programmation ultralibérale est de considérer que l'organisation de l'économie relevant de calculs rationnels, elle doit être soustraite aux aléas de la démocratie. C'est cette nécessaire restriction de la démocratie qui a été réaffirmée tout récemment, nous l'avons vu, par le président de la Commission européenne, selon qui les consultations électorales ne doivent pas influer sur la définition de la politique économique de l'Union européenne. Et c'est du reste le Chili de Pinochet qui a constitué le premier terrain d'expérimentation à l'échelle d'une nation, des thèses de l'école de Chicago, ainsi qu'il a été montré dans une étude très fouillée publiée par Gabriel Valdés. Nous n'avons aucune raison, en effet, de douter de la sincérité de ceux qui entendent défendre ainsi, je cite, « les principes fondamentaux d'une société régie par l'économie ». C'est parce qu'ils croient sincèrement que l'économie est une science à l'égal des sciences de la nature qu'ils entendent y conformer le droit et les institutions. Cette doctrine vise à asseoir la technique juridique sur ce dogme fondateur. Et à la différence des premières analyses économiques, elle ne se limite pas aux règles qui régissent l'industrie et le commerce, mais prétend rendre compte de l'ordre juridique tout entier. Cette extension correspond à celle qui a porté plus généralement la science économique à se définir, ça s'est fait à partir des années 70, non plus par son objet, auparavant on définissait l'économique par un objet qui était la production et la répartition des richesses rares, mais par sa méthode, laquelle permettrait de dévoiler les ressorts profonds des comportements humains dans tous les domaines de leur existence et d'espérer trouver enfin un système de règles qui rende compte de ces comportements. Ce déplacement des finalités de la science économique a été notamment théorisé par Gary Becker, l'un des prix Nobel d'économie de la Société du Mont-Pèlerin, si je puis dire, dans un ouvrage au titre explicite « L'approche économique du comportement humain », publié en 1976, qui lui a valu donc le Nobel, le prix à la mémoire d'Alfred, en 1992. Et ce livre se termine par un appel au rapprochement de l'économie et de la biologie. Parce que la question que se pose Becker, allez le lire, c'est assez intéressant. Becker est aussi connu pour un livre dont le titre est exact décalque d'un discours de Staline. C'est « Le capital humain », sous-titre, « Pour une politique de la formation ». C'est exactement le même titre. Je ne pense pas que Becker l'ait vu, mais enfin bon. Il se pose la question à la fin du livre. Oui, alors, nous avons la maximisation par les individus qui permettent de tout comprendre, la famille, le marché politique, la délinquance, etc. Mais il y a des comportements altruistes. Comment les comprendre? Eh bien, il dit qu'il faut se tourner vers la biologie. Cet appel a été largement entendu depuis, avec l'essor de notamment l'essor actuel, de la neuroéconomie, avatar contemporain des tentatives récurrentes depuis Galton de chercher dans la biologie les lois dernières du comportement humain. Donc, l'économie s'est définie comme une science totale, capable d'analyser en termes de marché tous les aspects de la vie humaine, qu'il s'agisse de la vie familiale, marché matrimonial, là j'emploie des notions qui sont chez Becker, en matière qu'il s'agisse de la vie politique, on va parler de marché électoral, en matière intellectuelle, marché des idées, c'est quelque chose qui était déjà un peu présent chez John Stuart Mill, ou en matière religieuse, l'idée qu'il y a un marché des religions. Et au fond, si on laisse faire la libre exercice des libertés religieuses, la meilleure religion va finir par l'emporter. Il y a une thèse intéressante de Nicolas Robert, soutenue à Paris 1, qui est une thèse comparative sur le statut des religions en France et aux États-Unis, qui met bien ça en évidence à propos de la jurisprudence de la Cour suprême. Donc, la doctrine Law and Economics est un compartiment de ce vaste programme qui vise, et c'est là que je faisais le rapprochement avec Bourdieu, puisque Bourdieu ne va pas parler forcément de marché, encore qu'il utilise la notion, mais de champ. Alors il va dire, bon, ben, dans la famille, il y a des stratégies de domination, dans la recherche, etc. Donc vous avez une sorte de machine qui est capable d'analyser toute espèce de comportement humain en le rapportant. Alors chez Bourdieu, c'est des logiques de l'intérêt et de la poursuite de l'intérêt, mais il y a des rapprochements, même si politiquement on a affaire à des auteurs qui sont, qu'on peut voir aux antipodes les uns des autres. Alors, donc la doctrine law economics, c'est un compartiment de ce programme. Dans son versant descriptif, elle met l'accent sur certaines pratiques juridiques, souvent fort anciennes, dont certaines relèvent du plus élémentaire bon sens. Par exemple, la théorie du bilan coût-avantage, dont nous aurons l'occasion de reparler, a été développée, comme le montre Theodore Porter dans ce livre « Trust in Numbers » que j'ai déjà cité, a été développée dès le XIXe siècle par les grands corps techniques de l'État, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Autre exemple, la prise en considération de l'incitation à la diligence ou à la dissuasion de la négligence que peut exercer la décision judiciaire en matière de responsabilité remonte au moins au jugement de Salomon. Mais le propre de la doctrine Law and Economics consiste à tirer de l'observation de ces pratiques des normes de portée générale auxquelles elle entend soumettre l'ensemble des systèmes juridiques. Et cette ambition normative est tout à fait explicite chez les tenants de cette doctrine, dont l'influence, d'abord relayée par les organisations économiques internationales, a été et demeure considérable à tous les échelons de l'élaboration du droit. Grâce au temps que nous avons consacré à l'Antiquité dans les cours précédents, vous retrouverez aisément chez ces auteurs, absolument intacte, la foi dans l'harmonie par le calcul et dans la possibilité de réaliser le rêve platonicien d'une cité régie non par des lois humaines nécessairement arbitraires et imparfaites, mais par une science royale capable d'indexer le gouvernement des hommes sur la connaissance des nombres. D'abord développée aux États-Unis, notamment par Richard Posner, dans un livre pionnier dont la première édition date de 1972, elle a donné lieu à une littérature si abondante qu'elle décourage l'inventaire. Introduite en France par l'ouvrage de deux juristes canadiens, McKay et Rousseau, elle y connaît aujourd'hui un développement remarquable. Vous voyez notamment les travaux de Bruno Defin du laboratoire d'économie du droit qu'il dirige à l'Université de Paris 2. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot le 28 mars 2013, l'asservissement de la loi au nombre, du Gosplan au marché total. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Rappelons aussi son ouvrage « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total » au Seuil en 2010. Et aussi le conte philosophique « Flatland ». Vous trouverez les références sur le site. Réalisation Milena Elig, mixage Valérie Lavalard, présentation Meryl Moneghetti. Demain, calculer l'incalculable. Belle journée à l'écoute de France Culture.